21-30, activation orale, passé composé et négation, révision. Répondez selon l'exemple. Vous entendez. 1. Nous sommes partis. Que me dites ? Nous n'avons pas attendu. 2. Ils sont partis. Ils n'ont pas attendu. 3. Je suis parti. Je n'ai pas attendu. 4. Mireille est partie. Elle n'a pas attendu. 5. Robert est parti. Il n'a pas attendu.